إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours 18 dans la lecture de la Aqida des Raziyin, les deux Razi, Abu Hatim et Abu Zur'a, deux imams parmi les imams des Salaf al-Salih, parmi les grands ulama de hadith de cette umma qui ont défendu le manhaj et la aqida des Salaf. Et on est arrivé dans le livre au point 13 et 14 dans la aqida des deux Razi, qui est la aqida des Salaf. Et dans ces deux points, il est question de le châtiment de la tombe et de Munkar wa Nakir, les deux anges qui viennent poser les questions lorsqu'on est enterré dans la tombe. Et donc les deux imams ont dit wa azabul qabri haqqun wa munkarun wa nakirun haqqun, c'est-à-dire que le châtiment de la tombe c'est véridique et munkar et nakir c'est véridique, c'est une vérité. Et donc ça fait partie de la aqida des salaf. Hein? Et le Cheikh Rabi' Hafizahullah, dans son explication de Usul al-Sunnah, il a clarifié ça. Et comme j'avais expliqué au dernier cours, les points de 12 à 16 sont des points qui sont tirés de d'autres charh que Cheikh Rabi' al-Madkhali a fait, Hafizahullah, parce que cette partie-là était manquante dans le charh. Donc les points de 12 à 14, là on est en train de faire les 12 à 16 pardon, et là on fait 13 et 14 aujourd'hui Inch'Allah, et si on a le temps on fera le point 15 également. Donc il dit قال الشيخ حفظه الله في شرح أصول السنة والإيمان بعذاب القبر وهذا وردت فيه أحاديث ومن الأحد ومن الآيات قوله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا وهذا عذاب البرزخ ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إلى آيات أخرى تفيد هذا. Et donc le cheikh il dit que la foi en le châtiment de la tombe c'est mentionné dans des hadiths, et dans les versets du Coran il y a les mentions de azab al-qabr, le châtiment de la tombe. Et parmi les exemples, il mentionne le verset 46 dans Surat Ghafir, qui fait mention justement du châtiment de la tombe. dans les termes suivants, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Ça, c'est-à-dire dans la tombe. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset, et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur du châtiment. Et donc ça c'est pour prouver que il y a un châtiment dans la tombe, puisqu'ils sont présentés au feu matin et soir. Et le cheikh il dit ensuite, et Pharaon et son peuple donc, de même que tous les autres parmi les mécréants, ils seront présentés et exposés au feu le matin et le soir, et ça c'est le châtiment du barzakh. Et le barzakh c'est entre la vie d'ici-bas et le jour de la résurrection, c'est cette étape que tout le monde va traverser. Après la mort, il entre dans le barzakh. Après la mort, il entre dans le barzakh. Et le barzakh, c'est un monde qui commence à partir du moment de notre mort, quand les anges viennent prendre notre âme, jusqu'à la résurrection, au jugement dernier. Cette étape, on l'appelle le barzakh. Et le châtiment du barzakh, c'est le châtiment de la tombe. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné par la suite le châtiment du jour de la résurrection, c'est-à-dire lorsqu'il dit, après avoir mentionné le fait qu'ils sont exposés matin et soir au feu et au châtiment, et bien après... Et bien après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et le jour où sera établie l'heure du jugement dernier, on fera entrer la famille de Pharaon dans le plus dur des châtiments. Et donc, et il y a aussi d'autres versets qui font allusion au châtiment de la tombe également. Le cheikh dit ensuite, wa warada fi azab al-qabr an rasulillah alayhi salatu wassalam fi sahihayn marra ala qabrayn. يعني مر على قبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وقال بلى إنه كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من البول وقع في كبيرة فعذبه الله في البرزخ وهذا من الأدلة على أن الكفار وأهل الكبائر من المسلمين يعذبون في القبر بذنوبهم. Donc le cheikh il explique que il a été mentionné au sujet du châtiment de la tombe que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans As-Sahihayn, le Bukhari et Muslim, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes. Et il a dit à propos de ces deux tombes, à propos des gens qui sont enterrés dans ces deux tombes-là, il a dit, ils sont châtiés tous les deux. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit, ils sont châtiés. Il a dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Il dit, non, certes, c'est quelque chose de grand. Un d'entre eux, il colportait la médisance. Il marchait d'un côté à l'autre, transportant la médisance. Tandis que l'autre, il ne se préservait pas de l'urine lorsqu'il faisait ses besoins, lorsqu'il faisait l'urine, il allait uriner, il ne se couvrait pas ou se préservait pas des gouttes d'urine qui pouvaient tomber sur ses vêtements ou sur lui. Et donc, à cause de ça, il est tombé dans quelque chose de grand, un grand péché. Et Allah l'a châtié à cause de ça dans le barzakh. Et le cheikh, il dit que ça fait partie des preuves que les koufars, de même que les gens parmi les musulmans qui ont commis des grands péchés, eh bien, ils seront châtiés dans leur tombe à cause de leurs péchés. Également, il dit, وَمِنْهَا حَدِيثُ الْبَرَىٰ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْتِي الْمَيِّتْ مُنْكَرْ وَنَكِرْ وَيَسْأَلَانِ فالمؤمن يقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى كما في حديث أسماء فآمنا به واتبعناه. Donc le hadith de Al-Bara, qui est un hadith sahih, rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud, et Cheikh Al-Albani, il l'a mentionné, hein, il l'a authentifié dans Ahkam al-Janaiz. Donc ce hadith de Al-Bara, dans lequel il mentionne que le mort, quand il est dans la tombe, il est visité par Munkar et Nakir, deux anges qui viennent lui poser la question, les trois questions dans sa tombe. Hein? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Ça, c'est les trois questions. Et le nom de Munkar et de Nakir, il est des deux anges, qu'on appelle Munkar et Nakir, ces deux noms sont mentionnés dans un hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi dans Kitab al-Janaiz, le hadith 1071, et qui est rapporté également dans le Sahih de Ibn Hibban. Et yani, il est mentionné dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha également, le hadith 1391. Donc la mention du nom de Al-Munkar wa Nakir, il est authentique, il est mentionné dans les hadiths. Et lorsque les deux anges viennent pour poser les questions, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, le croyant, il va répondre en disant, mon prophète est Muhammad, le messager d'Allah, il nous a ramené les preuves claires et la guidance, comme c'est mentionné dans le hadith de Asma. Donc il va dire, le croyant va dire, Muhammad est le messager d'Allah, il nous est venu avec les preuves claires et la guidance, et nous avons cru en lui et nous l'avons suivi, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans le hadith de Asma. Et le hadith de Al-Bara, il dit, wa fi hadith Al-Bara, yas'al man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk, fayaqul rabbi Allah, وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول له نم صالحا نم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنة إن كنت لمؤمنة فيعرض عليه مقعده من النار لو كان كافرا ثم يقال عوضك الله بمقعد في الجنة فيقول ربي أقم الساعة فيقال له انتظر والكافر يأتيه الملكان فيسألان من ربك وما دينك فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته نسأل الله السلامة فإنه يخاف على كثير من الناس لأنه لا يعرف معنى الرسالة حق المعرفة ولا يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات والهدى ولا يعرف معنى لا إله إلا الله وإنما وجد الناس يقولون شيئا فقاله فليحذر المسلم ويتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فأمنا به واتبعناه يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فنفع في هذا الامتحان الشديد. Donc le cheikh il dit que dans le hadith de Al-Bara, les anges viennent et ils demandent, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Et il dit, mon Seigneur, c'est Allah. Ma religion, c'est l'islam. Et mon prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors on lui dit, dors bien, car nous avons su que tu es un croyant. Et on va lui présenter sa chaise dans l'enfer s'il était mécréant. Puis on lui dit qu'Allah te la remplace par une chaise dans le paradis. Et il dit, ô mon Seigneur, établis-leur. Et on lui dira, attends. Et le kafir, il vient, hein, les deux anges lui viennent et lui demandent qui est ton Seigneur, quelle est ta religion. Et il répond en disant je sais pas. Hein, il ne peut pas répondre. Il dit, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai répété. Hein, j'ai dit ce que les gens ont dit. Je les ai entendus dire que telle chose et moi je l'ai dit comme j'ai dit la même chose. En voulant dire qu'il répète qu'est-ce que les gens ont dit, mais il n'y croit pas réellement. Il n'est pas sincère. Allahul Musta'an. Et par rapport, quand je lis les paroles, hein, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer maintenant, ça me fait penser en même temps à beaucoup de musulmans qui négligent l'apprentissage et l'étude de l'islam. Et c'est certain que si un musulman ne fait pas d'effort pour apprendre sa religion comme il faut, et pour connaître sa aqida comme il faut, et pour être capable de réfuter les doutes qu'il a dans son cœur à propos de sa religion et les ambiguïtés qu'il a à propos de la religion, c'est certain qu'il va avoir des doutes, c'est certain qu'il va avoir des shubuhat, et il n'est pas capable de les réfuter, et il ne recherche pas la science pour être capable de comprendre comme il faut la vérité. Alors il est dans la religion, mais il est dans le doute en même temps. Il est dans la religion, mais en même temps, il a des doutes au sujet de sa religion. Alors, il arrive au jugement dernier, ou dans sa tombe, et les anges viennent lui poser la question, « C'est qui ton Seigneur? C'est quoi ta religion ?» Il ne peut pas répondre. Il dit, « Ha, la adri. » Pourquoi? Parce que il n'était pas sincère, et il ne cherchait pas la science, et il n'essaie pas de trouver les réponses au shubuhat quand il a des doutes. Et déjà, premièrement, il s'expose lui-même au shubuhat des fois. Il y a plein de musulmans comme ça qui s'exposent à des shubuhat et à des doutes dans leur religion en écoutant les attaques des kuffars contre l'islam, des attaques des munafiqines contre l'islam. Et eux, ils pensent que yani, leur foi est inébranlable. Et donc, ils vont se mettre hein, à la merci de ces shubuhat, et finalement, sans même qu'ils s'aperçoivent, ils commencent à avoir des doutes en leur foi, en leur croyance, et ils ne cherchent pas la réponse à ces questions-là dans la religion auprès des ulama et en cherchant la science de l'islam et en lisant le Coran et en étudiant la sunna et en cherchant la aqidah comme il faut, et donc ils meurent sur le doute. Et au jour de la résurrection et dans la tombe, ils ne peuvent pas répondre aux questions. Allahul Musta'an. Et donc ça, c'est quelque chose qui est grave. Et c'est pour ça que le Cheikh, il dit, Nas'alullah as-salam. C'est-à-dire, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous épargner d'être dans cette situation-là. Hein? Et il dit, parce que c'est à craindre pour beaucoup de gens. C'est à craindre pour beaucoup de gens. Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité de la signification du message de vérité. Ils ne connaissent pas réellement, ne connaissent pas le message de l'islam réellement, et ils ne connaissent pas le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les preuves et la guidance, hein? Et ils ne connaissent pas la signification de la ilaha illallah, comme qu'est-ce que ça signifie réellement. Mais il a trouvé les gens qui répétaient la ilaha illallah, et il l'a répété lui aussi sans réellement chercher à savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Allah al-Musta'an. Et c'est pour ça aujourd'hui, quand tu entends des commentaires de certains musulmans, quand ils parlent et quand ils disent leurs opinions au sujet de la religion, au sujet de la politique, au sujet de toutes sortes de choses, et que tu vois qu'ils opposent le Coran et la Sunna, hein, et ils émettent des opinions personnelles sur la politique ou sur la religion, des choses qui ont rapport avec l'islam, et ils contredisent directement et ouvertement la religion d'Allah, et allez, c'est à craindre de la part de ces gens-là, parce que c'est soit parce qu'ils ont été ignorants, et donc ils ont contredit l'islam parce qu'ils étaient ignorants, ils n'ont pas cherché la science, ou bien qu'ils savent, mais ils ont suivi leur passion, ils ont choisi de contredire l'islam intentionnellement et volontairement. Et là, dans ce cas-là, c'est encore plus grave. Hein? Allahu al-Musta'an. Donc, c'est ça qui est dangereux. que des gens répètent des choses mais sans vraiment y croire, sans vraiment les comprendre. Et des fois on observe la réalité de qu'est-ce qui se passe et on regarde l'état des musulmans, puis on se demande est-ce qu'ils sont vivants ou est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils réellement comprennent ou est-ce qu'ils comprennent pas. Des fois on a l'impression qu'ils ont aucune réaction, hein. Allahul Musta'an. Et c'est triste de voir ça. Le cheikh il dit donc que le croyant il doit faire attention. Il doit méditer sur le livre d'Allah. Il doit se préparer, hein, préparer tout ce qu'il a de besoin pour être capable de répondre correctement à ces questions-là qui vont lui être posées à propos du prophète Muhammad, le fils d'Abdullah, qui nous est venu avec les preuves claires et la guidance. Et nous avons donc cru en lui et nous l'avons suivi. C'est-à-dire que cette foi, hein, cette foi, elle a des implications. Et elle est basée sur le fait de connaître la guidance et les preuves claires qui nous ont été ramenées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a connu ça comme il faut, eh bien ça va lui servir. Et au jour du test et de l'épreuve, eh bien il pourra répondre correctement. Wa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam yaqul innakum tuftanuna fi quburikum مثل أو قريب من فتنة الدجال وفي التشهد أيضا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المحيا والممات. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous allez être éprouvés et testés dans votre tombe d'une épreuve qui est pareil ou proche de la fitna ou de l'épreuve du Dajjal. Et dans le tashahhud, quand on finit la salat, à la fin de la salat, hein, dans le tashahhud, on fait le dua: oh Allah, je cherche le refuge en toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la vie et de la mort, et contre le châtiment de Al-Masih Dajjal. Toutes ces invocations-là sont des preuves de l'existence d'un châtiment dans la tombe. Et c'est des hadiths là, c'est des preuves authentiques. Le hadith en question qui est rapporté avec le dua qui est dans Sahih al-Bukhari, rapporté selon Abi Huraira, et dans Sahih Muslim, rapporté selon Aisha radiallahu anha. Le cheikh il dit ensuite: وأدلة عذاب القبر والبرزخ كثيرة منها ما ذكرناه لكم وهو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلدهم من أهل الضلال. Donc le cheikh, Cheikh Rabi' حفظه الله, il dit que les preuves du châtiment de la tombe et du barzakh sont très nombreuses. Parmi ces preuves, il y en a que nous vous avons mentionnées, et c'est quelque chose qui est authentique. Et en quoi les gens de la Sunna ont foi, hein? Et ceux qui le démentent et qui renient sont les Mu'tazila et ceux qui les ont suivis parmi les gens de l'égarement. Donc les Mu'tazila, ils ne croient pas en le châtiment de la tombe, comme ils rejettent plusieurs des éléments qui ont rapport avec le ghaib et la foi en al-ghaib, comme la balance au jour de la résurrection et d'autres éléments qui sont mentionnés dans la sunna authentique et dans le Coran aussi. Donc subhanallah. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'ils font, comme on a dit, ils font des analogies entre ce monde d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Et donc ils disent, par exemple, quand il y a la mention que dans la tombe il y a, par exemple, un feu ou un châtiment ou quelque chose, eh bien, ils vont dire, ils vont creuser, par exemple, la tombe de quelqu'un pour regarder dedans. Puis ils disent, on a creusé la tombe de quelqu'un, on a regardé, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de châtiment, il n'y avait pas de paradis, il n'y avait pas de feu, il n'y avait pas de délices, il n'y avait pas de fumée, rien. Donc, ça prouve leur faiblesse d'esprit en fait, et à quel point ils sont ridicules. Ils comprennent pas que la dimension dans laquelle le mort est et l'état dans lequel il est, c'est un monde invisible, c'est un barzakh, c'est le ghaib. Et donc tu ne peux pas voir des choses qui vont être présentes physiquement que tu pourras comprendre. Non, c'est des matérialistes, exactement. Et c'est la même chose pour la même chose aussi pour qu'est-ce qui a rapport avec les noms d'Allah et les attributs d'Allah. Pourquoi ils nient? C'est parce pourquoi ils nient les attributs? Parce qu'ils imaginent Allah subhanahu wa ta'ala comme les créatures. Et c'est pour ça que ils nient les attributs d'Allah. A'udhu billah. Donc en ce qui concerne le châtiment de la tombe, il y a de nombreux hadiths, et le Hafiz al-Hakami il mentionne dans Ma'arij al-Qabul beaucoup de textes, beaucoup de preuves au sujet de l'affirmation du châtiment de la tombe. Et il dit que les hadiths à ce sujet-là ont atteint le nombre de at-tawatur, yani tellement qu'ils sont nombreux, et le nombre d'imams et des ulama qui les ont transmis, ces hadiths-là, sont très très nombreux également. Et il les énumère. Il en mentionne plusieurs. Donc ceux qui veulent avoir des détails là-dessus, ils peuvent retourner au livre de l'imam Al-Hafiz Hakami. Le charh de Sulam al-Wusul, qui s'appelle Ma'arij al-Qabul. Et il énumère les exemples de rapporteurs qui ont parlé de, ou qui ont rapporté à propos du châtiment de la tombe. Ensuite, le cheikh, il dit « Inna hadihi l'umma tuftanu fi quburiha » C'est-à-dire, cette umma, elle va être questionnée dans sa tombe. « Wa tus'alu an l'imani wa l'islam wa man rabbuh wa man nabiyuh wa ya'tihi munkarun wa nakir kayfa sha'a Allah » وكيف أراد والإيمان به والتصديق به يعني كيف يدخل منكر ونكير في القبر وكيف يعني كيف يشاء الله الملك يدخل في الرحم ويؤمر بأربع يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد ويدخل في القبر ويسأل كيف ما نعلم كيفية هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى وأخبر بذلك فما عليك إلا الإيمان وميزة المؤمن أفضل مزاياه أنه يؤمن بالغيب الإفلام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فتؤمن بالغيب الذي تضمنه القرآن وتؤمن بالغيب الذي تضمنته سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله بتبليغ هذا القرآن وبيانه وهذه من جملة البيانات وهذه أحاديث فيها تفصيل الآيات التي دلت على عذاب البرزخ أو النعيم فيه. Donc le cheikh il dit que donc cette umma va être éprouvée dans la tombe et elle sera questionnée à propos de la foi et de l'islam et qui est son seigneur et qui est son prophète et Munkar et Nakir va venir à chaque personne de la façon que Allah a voulu et comme il a voulu et la foi en, il faut croire en cela et reconnaître la véracité de cela. Et comment Munkar et Nakir rentrent dans la tombe? Ils rentrent dans la tombe comme Allah a voulu. De la même manière que l'ange rentre dans l'utérus de la mère pour insuffler l'âme au fœtus. Lorsque le fœtus est dans le ventre de sa mère, et décrire quatre paroles. Décrire sa subsistance, décrire son terme, c'est-à-dire jusqu'à quand il va vivre, décrire est-ce qu'il sera heureux ou malheureux. Et il entre dans la tombe également, et il va poser les questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Et comment il va rentrer dans la tombe, comment il va poser les questions, on ne sait pas comment. On n'a pas su comment. C'est Allah seul qui sait comment. Et il nous a informé de ça. Alors toi, tu n'as qu'à avoir la foi. Et tu ne dois que croire en ça. Et une des particularités du croyant, et c'est la meilleure de ces particularités, c'est que le croyant croit en al-ghayb, c'est-à-dire il croit en l'invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Baqarah, alif lam mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ceci est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une guidance pour les pieux. Ceux qui croient en l'invisible, qui croient en le ghayb, et qui établissent la salat et qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Donc, tu crois en le ghayb, en l'invisible, qui est compris dans le Coran, et tu crois en le ghayb qui est compris dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a chargé de transmettre de ce Coran et de sa clarification. Et parmi ces clarifications-là et ces hadiths, il y a les détails de ces versets qui ont prouvé et indiqué qu'il y a un châtiment de la tombe et des délices dans la tombe. Et donc tu dois donc croire et accepter ça. Et ça c'est ce qui conclut les points 13 et 14 de l'aqida des deux razis. Et maintenant on passe au point numéro 15, et les deux imams al-raziyan rahimahum Allah, ils ont dit wal kiram al-katibun haqqun. Al-kiram al-katibun, ce sont les anges qui écrivent les œuvres des croyants. Et ça fait partie des éléments qui font partie de l'aqida d'Ahlul Sunna wal Jama'a. Hein? Et des gens de la Sunna, ils croient en ça. Et ça fait partie du ghaib aussi. Et le Cheikh Rabi, hafizahullah, il a expliqué ce point dans Aounul Bari, bi bayani ma tadammanahu sharh sunnati lil imam al-Barbahari. Donc dans son sharh de la sharh sunna de al-Barbahari, il explique ça dans le volume 1 à la page 163 à 170. Et donc on a tiré cette explication de ce sharh. Hein, comme j'ai expliqué avant que certains frères arrivent, que les points de la aqida des deux razis du point 12 à 16 sont extraits de d'autres sharhs que le cheikh a fait, parce que cette partie-là était manquante. D'accord? Donc les points 12 à 16 sont tirés de d'autres sharhs, mais c'est sur les points qui sont mentionnés. Donc on va lire l'explication que Cheikh a fait de ces points-là dans l'explication de Al-Barbahari, de la aqida de l'imam Al-Barbahari. Donc il dit والإيمان بالملائكة الكرام من أركان الإيمان فلا بد من الإيمان بهم جميعا وقد قدمنا بعض الأدلة على وجوب الإيمان بهم وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه وبين صفاتهم وقربهم منه وعبادتهم له وخوفهم منه. نعم. قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقول منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. Donc le cheikh il explique que la foi en les anges, les nobles anges, fait partie des piliers de la foi. Et donc il faut croire en tous les anges. Et nous avons mentionné précédemment des preuves au sujet de l'obligation de croire en les anges. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des anges dans son livre, le Coran, et a expliqué leurs caractéristiques, leurs attributs, leur proximité d'Allah, leur adoration d'Allah et leur crainte d'Allah. Tout ça c'est mentionné dans le Coran. Et le cheikh il a commencé à énumérer de nombreux versets à ce sujet dans le Coran, en commençant par le verset 206 dans Surat Al-A'raf, qui signifie ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaigne pas de l'adorer. Il le glorifie et se prosterne devant lui. Donc ça c'est le premier verset que le cheikh a cité. Ensuite il a cité un verset dans Surat Al-Nahl, les versets 49 et 50, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux et sur la terre. » ainsi que les anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux. La preuve que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus. Hein? Ça fait partie des attributs d'Allah, du fait qu'il est fauq. خَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Donc ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Il mentionne également parmi les preuves les versets 19 et 20 dans Surat Al-Anbiya, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à lui seul appartient tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, les anges, ne se considèrent point trop grands pour l'adorer et ne s'en lassent pas. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. C'est-à-dire, ils ne cessent jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne également les versets 27 à 29 dans la même sourate, Surat Al-Anbiya. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. Et quiconque d'entre eux dirait « Je suis une divinité en dehors de lui », nous le rétribuerions de l'enfer. C'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Et le verset 41 dans Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ils diront un jour, le verset 40 et 41, et un jour, il les rassemblera tous. Puis il dira aux anges, est-ce vous que ces gens-là adoraient? C'est-à-dire les mushrikoun. Allah subhanahu wa ta'ala va demander aux anges, est-ce vous les anges que ces mushrikoun-là adoraient? Et ils répondront, ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt les djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc, ça c'est l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié à propos des anges dans le Coran. Et il dit وَمِنْ صِفَاتِهِمُ الْخَلُقِيَّةِ الْخَلْقِيَّةِ وَمِنْ صِفَاتِهِمُ الْخَلْقِيَّةِ أَنَّ لَهُمْ أَجْنِحَةً أَنَّ لَهُمْ أَجْنِحَةً. Il dit, et parmi leurs caractéristiques comment Allah les a créés, il y a le fait que les anges ont des ailes. Et il cite le verset dans Sourate Fatir. Alhamdulillahi fatir as-samawati wal-ard, ja'il al-mala'ikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba', yazidu fi khalqihi ma yasha', inna Allah 'ala kulli shay'in qadir. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges, des messagers, dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges, et que ces anges, ils ont plusieurs ailes. Ces anges, ils ont plusieurs ailes, soit 2, 3 ou 4. Ensuite, le cheikh il dit: wa rawa al-Bukhari wa Muslim rahimahum Allah bi isnadihima ila Abi Ishaq al-Shaybani qal: sa'altu Zur ibn Hubaysh عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى في سورة النجم قال أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح له 600 جناح. Donc le cheikh il explique que il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim avec l'isnad selon Abu Ishaq al-Shaybani que Zur ibn Hubaysh il a posé la question au sujet du verset 9 dans Surat An-Najm. Le verset 9 qui dit: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى, il fut à 2 portées d'arc ou plus encore. Et il a posé la question, donc c'est, qu'est-ce que ça signifie? Et il mentionne que Abdullah ibn Mas'ud a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu à ce moment-là Jibril dans sa vraie apparence d'ange. Dans son vrai état, et qu'il avait 600 ailes. Il avait 600 ailes. Et donc, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Surat Fatir, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait des anges, des messagers, qui ont 2, 3 ou 4 ailes, et après il dit Yazidu fi khalqihi ma yasha. C'est-à-dire, il augmente dans sa création qu'est-ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il peut augmenter le nombre d'ailes des anges jusqu'à 600 ailes ou plus. Il donne à sa création comme il veut. Il les augmente comme il veut. Et il dit: وعن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني, ألم يقول الله عز وجل لقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه بين السماء إلى الأرض ما بين السماء إلى الأرض. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حفص ابن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن الطهمان عن موسى ابن عقبة عن محمد بن المندكر عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن مالك أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. نعم. Donc le Cheikh il mentionne ensuite des paroles et des hadiths qui décrivent certains d'entre les anges, comme l'exemple de Jibril qui a 600 ailes. Et ensuite il dit Masruq qui dit j'étais allongé chez Aïcha radiallahu anha, et elle a dit ô Aba Aïcha, il y a trois choses que si quelqu'un les mentionne, hein, ou si quelqu'un dit il y a trois choses que je vais te mentionner, celui qui dit quelque chose à leur sujet, il a certes inventé à propos d'Allah un grand mensonge. Alors il dit, quelles sont-elles? Alors Aïcha radiallahu anha a dit, celui qui croit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu son Seigneur, alors il a certes inventé à propos d'Allah un grand mensonge. Alors Masruq il dit, j'étais allongé, hein? Alors j'étais accoudé ou à côté, alors je me suis assis et j'ai dit, ô mère des croyants, hein, va doucement avec moi et attends. Naam. Il a dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 22 dans sourate At-Takwir, wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Donc il lui demande à propos de la signification de ça, wa laqad ra'ahu fil عند wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dans sourate At-Takwir, c'est le verset 23. C'est-à-dire il l'a effectivement vu au clair horizon. Et dans le verset 13 dans sourate An-Najm, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, il l'a vu une autre fois. Et qu'est-ce qu'elle a dit Aïcha radiallahu anha? Elle a dit, j'ai été la première personne de cette umma qui a demandé au messager d'Allah à ce sujet, et il a dit c'était seulement Jibril qui l'a vu. Elle a dit il ne l'avait pas vu dans sa vraie état d'ange excepté ces deux fois-là. Dans sa vraie création, dans sa vraie apparence d'ange, il ne l'a jamais vu excepté ces deux fois-là. Et il l'a vu descendant du ciel et couvrant l'horizon, hein, couvrant ce qui est entre les cieux et la terre, dans son apparence et dans sa création d'ange avec ses 600 ailes. Comme c'est mentionné dans certains versets ou dans certains hadiths plutôt, que Jibril alayhi salam il couvre l'horizon au complet, hein? Il a 600 ailes et avec un de ses ailes il couvre tout l'horizon. Et il mentionne également un autre hadith qui est apporté selon Abu Dawood, selon Jabir ibn Abdullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a permis de mentionner à propos d'un ange parmi les anges d'Allah qui fait partie de ceux qui supportent le trône. Et entre le lobe de son oreille, ou bien la chair de son oreille, shahma, c'est probablement que c'est yani le lobe de son oreille et son épaule, entre son, le lobe de son oreille et son épaule, il y a la distance de 500 ans. Donc ça c'est pour dire, s'il y a la distance de 500 ans entre son, le lobe de son oreille et son épaule, donc imagine, si ça c'est 500 ans, imagine le reste, hein, de sa création, subhanallah. C'est pas mentionné en quoi. C'est pas mentionné en 500 ans de quoi. Est-ce que c'est 500 ans de marche, 500 ans de course, 500 ans de cheval de course, ou d'une autre distance, d'une autre vitesse? C'est pas mentionné. Mais c'est quand même beaucoup, hein, 500 ans. Subhanallah. Non, c'est énorme. Non, c'est énorme. Non. Parce que si c'est 500 ans de. Peu importe 500 ans de quoi, 500 ans c'est toujours quand même une grande distance. Il dit وَلَهُمْ أَعْمَالٌ وَكَّلَهُمُ اللَّهُ بِهَا مِنْهَا كِتَابَةُ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ مِنْ حَسَنَاتٍ وَسَيِّئَاتٍ قَالَ تَعَالَى وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ وَقَالَ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَعْمَالِهِ وَتَصَرُّفَاتِهِ حتى في خطرات قلبه وليعلم أن الله يعلم سره وجهره ويعلم السر وأخفى وأن أعماله الصالحة كبيرها وصغيرها مسجلة له وأن أعماله وأقواله السيئة مسجلة عليه لا يترك منها شيء وليستحي العبد من ربه الرقيب عليه والذي يرى ويسمع أقواله وأعماله ولو كانت في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وليستحي من الملائكة الحافظين الكرام الكاتبين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Donc le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des anges et il leur a chargé de certaines tâches. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné des tâches à faire. Chaque ange, hein, ou chaque catégorie d'ange a une tâche spécifique à remplir. Parmi les anges, il y a ceux qui sont chargés d'écrire les œuvres des fils d'Adam, des bonnes actions et des mauvaises actions qu'ils font. Et il mentionne à ce sujet-là les versets 10 et 11 dans Surat Al-Infitar, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: et il y a sur eux des gardiens, des nobles scribes qui écrivent, hein, qu'est-ce qu'ils font. Et il y a les versets dans Surat Qaf, les versets 16 et 17, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala mentionne donc l'exemple des anges qui écrivent qu'est-ce que l'homme fait. C'est dans les versets dans Surat Qaf, les versets 16 et 17. Naam. Donc ça signifie, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, c'est-à-dire la veine qui coule dans le cou, hein. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Par ses anges, hein, Allah subhanahu wa ta'ala est plus près de nous que notre veine jugulaire, par ses anges qui écrivent. Hein. Ça, c'est une des explications de ce verset-là que les ulama ont mentionné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus près de nous que notre veine jugulaire par ses anges qui sont près de nous et qui entendent. Et dans le verset 17, ça dit, et quand les deux anges recueillant, assis à droite et à gauche, recueillent. Et le verset 18, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc tout ce que tu dis comme parole est écrit dans un livre. Alors le cheikh, il dit, alors que le serviteur craigne Allah dans ses paroles et dans ses actions et dans ses comportements et même dans ses pensées et les choses que son cœur lui suggère, et qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché et ce qu'il divulgue, ce qui est caché et ce qui est plus secret encore, et les bonnes œuvres, qu'elles soient petites ou grandes, elles sont écrites, de même que les actions et les paroles qui sont mauvaises, elles sont enregistrées contre lui. Et non, et donc il n'y a rien de ce qui est fait comme parole ou comme action qui sera délaissé. Alors le serviteur doit également être gêné de son Seigneur qui le surveille, qui le regarde et qui le voit et qui l'entend, qui entend ses paroles et qui voit ses actions. Et même s'il était dans une grotte ou dans un rocher noir, dans une nuit noire, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce qu'il fait, il entend ce qu'il dit. Donc qu'il soit gêné d'Allah et qu'il soit également gêné des anges, des scribes, des nobles scribes qui écrivent ses actions et ses paroles. Et il mentionne le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiallahu anhu par Al-Bukhari et Muslim, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a des anges qui se relaient les uns les autres, les anges du jour et les anges de la nuit. Ils se relaient les uns les autres. C'est-à-dire que les anges de la nuit, ils viennent et ils écrivent, ils voient qu'est-ce qui se passe pendant la nuit, et ils remontent, et les anges du jour descendent pour prendre la relève. Chaque jour, c'est comme ça. Donc, ils se réunissent à la prière de Asr et à la prière de Fajr. Puis, ils montent vers Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir passé la nuit parmi vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur demande, alors qu'il sait mieux qu'eux, comment avez-vous laissé mes serviteurs? Alors les anges répondent en disant, nous les avons laissés alors qu'ils faisaient la salat, et nous sommes arrivés à eux alors qu'ils faisaient la salat. Hein? Donc ça, c'est l'exemple des anges. Ça, c'est une de leurs tâches, c'est de faire ça. Il dit, ومن الملائكة من هو موكول بقبض الأرواح. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Il dit, et il y a des anges qui ont été chargés de saisir les âmes au moment de la mort. Et il mentionne le verset 11 dans Sourate As-Sajda à ce sujet, qui mentionne justement quelque chose à ce sujet-là. Et c'est le verset 11 de Sourate As-Sajda. Naam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Dis au Muhammad, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. » Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Naam. Donc ça, c'est un exemple des tâches parmi les tâches des anges. Il dit wa li malik al maut a'wan. قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. نعم. Donc ça c'est les exemples des anges de la mort. C'est-à-dire que l'ange de la mort, c'est lui qui est chargé de venir prendre les âmes, et lorsque il vient prendre les âmes, il a des aides parmi les anges. Donc l'ange de la mort, il n'est pas tout seul à venir prendre les âmes. Il a des aides avec lui. Il a des aides avec lui. Naam. Et il cite à ce sujet-là les versets 93 dans Surat Al-An'am et verset 50 dans Surat Al-Anfal. Non, désolé. Donc, dans Surat Al-An'am, verset 93, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Inam. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains, disant laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Donc ça, c'est la preuve que l'ange de la mort, il a des aides. Hein? Parce qu'il y a des gens qui posaient la question. Parfois, parmi les gens, il y en a des gens qui veulent toujours poser des questions bizarres. Hein? Sur la religion. Et donc ils disent, mais l'ange de la mort, comment il fait pour prendre toutes les âmes de tout le monde qui meurt en même temps, partout sur la terre? Donc, comme si en voulant dire, comment ce serait possible? Et bien entendu, l'ange de la mort, il a d'autres anges avec lui qui l'aident à prendre les âmes. Hein? Surtout quand, par exemple, quand il y a des guerres, des grandes guerres, et qu'il y a des milliers de personnes qui meurent en même temps, tous ces anges-là viennent et prennent les âmes de tous ces personnes-là en même temps, oui. Parce que l'ange de la mort, il a des aides. Et donc, ils viennent prendre les âmes des gens en même temps. Et le verset 50 dans Surat Al-Anfal. Mais déjà, poser ce genre de questions-là, ce n'est pas correct. Puisque, c'est des choses, c'est comme si on dirait que les gens, ils se posent des questions sur des choses qui ont rapport avec le raïb. Même si il est seul, tu ne connais pas la vitesse avec laquelle il saisit les âmes. Exactement. Exactement. Donc les gens, ils ne doivent pas se poser de ce genre de questions. Parce que on peut imaginer combien d'âmes il peut saisir en une seconde. Exactement. طيب. Donc le verset qu'il a cité aussi, le cheikh, par rapport à ça, c'est le verset 50. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, si tu voyais lorsque les anges arrachaient les âmes aux mécréants, et ils les frappent sur leur visage et leur derrière en disant, goûtez au châtiment du feu. Cela, le châtiment, pour ce que vous, vos mains ont accompli. Et Allah n'est point injuste envers les esclaves. Donc ça c'est pour dire qu'il y a, plusieurs anges qui aident l'ange de la mort dans cette tâche. Allahu a'lam. Après le cheikh, il cite un autre hadith qui s'est rapporté selon Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, qui est un très très long hadith. Le cheikh il le cite au complet. Donc c'est le hadith qui mentionne quand la personne meurt et que les anges viennent prendre son âme. Donc on va le lire. Le cheikh il dit donc que un البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر لما يلحد فجلس رسول الله لما يلحد نعم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت ثم يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس المطمئنة الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيخرج منها كأطيب نفحة من مسك أطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. Donc on va traduire cette partie-là. C'est en fait le hadith qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib. Il dit, nous sommes sortis avec le messager d'Allah dans la janaza d'un homme parmi les Ansar. Et nous sommes arrivés à la tombe alors qu'ils étaient en train de creuser le trou hein, de cette tombe au fond. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est assis, alors nous nous sommes assis autour de lui. Et c'était comme s'il y avait des oiseaux sur notre tête, en voulant dire qu'ils étaient calmes. Personne ne faisait de bruit, personne ne bougeait. Si tu as un oiseau sur ta tête, tu vois, hein, tu ne bouges pas, hein. Pas que l'oiseau s'envole. Donc c'est comme s'ils disent, comme s'il y avait des oiseaux sur notre tête. C'est une expression. Après il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un bâton dans sa main. Et il faisait des... Il touchait à la diaphragme. Il faisait des choses sur la terre avec le bâton. Alors il a levé ses yeux, ou il a levé sa tête, et il a dit, cherchez le refuge en Allah contre le châtiment de la tombe. Et il a répété deux ou trois fois. Puis il a dit ensuite, les serviteurs croyants, quand il arrive vers l'au-delà et qu'il termine cette vie d'ici-bas, les anges descendent vers lui avec des visages blancs, comme si leur visage était comme le soleil, des visages brillants. Et ils ont avec eux un linceul et un hanout. Peut-être un hanout, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais bon. Ils ont un linceul et un hanout avec eux. et ça vient du paradis. Alors il s'assoit de lui de la distance de jusqu'où le regard peut voir, c'est-à-dire il s'assoit à une distance de lui qui est une distance aussi loin que le regard. Et à ce moment-là, l'ange de la mort vient et elle s'assoit sur sa tête. L'ange de la mort s'assoit sur sa tête et il dit à cette personne, l'ange de la mort dit à cette personne: ô toi la bonne âme qui est tranquille et qui est bonne, sors vers un pardon et un agrément de ton Seigneur. Alors cette âme, elle sort comme si elle coule, comme une goutte qui coule d'une cruche, hein, qu'on verse. Elle se laisse descendre toute seule, elle se laisse sortir toute seule, l'âme. Et donc, du moment que l'ange de la mort, yani, la fait sortir et la prend, les anges de la miséricorde, les anges qui viennent du paradis, ils viennent tout de suite l'attraper et ils ne la laissent même pas une fraction un clignement de l'œil dans sa main. Ils l'attrapent tout de suite et ils la posent dans ce linceul et dans ce hanout. Hein? Et il sort de cette âme une odeur meilleure que le meilleur musc qu'on peut trouver sur terre. فَيَسْعُدُونَ بِهَا. Donc il monte avec cette âme. وَلَا يَمُرُّونَ بِهَا وَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذِهِ الرُّوحُ الطَّيِّبَةِ. Donc il monte avec l'âme et chaque fois qu'il passe vers des anges dans le ciel, les anges demandent: qui est cette bonne âme? فَيَقُولُونَ فُلَانِ ابْنُ فُلَانِ بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا. C'est-à-dire, ils vont répondre en disant: c'est un tel, fils d'un tel. Et ils vont le mentionner par les plus beaux noms par lesquels il se faisait appeler dans cette vie d'ici-bas. Jusqu'à un, حتى ينتهوا إلى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه في الأرض فإني منها خلقتكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى. Donc à ce moment-là, hein, il continue à monter jusqu'au ciel de la dunya. Et arrivé au ciel de la dunya, on lui ouvre la porte. Hein, on demande que les portes soient ouvertes. Alors les portes du ciel de la dunya sont ouvertes. Et il est porté par des anges vers l'autre ciel, jusqu'à ce qu'il arrive à la porte de l'autre ciel et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il arrive au septième parmi les cieux. Et arrivé au septième cieux, Allah subhanahu wa ta'ala dit: écrivez le livre de mon serviteur fi'liyin, hein, dans le paradis. Alors il dit: ramenez-le sur la terre, car c'est de la terre que je les ai créés et c'est dans celle-ci que je vais les retourner, et c'est de celle-ci également que je les ferai sortir une autre fois. Donc, فقال فيعاد روحه في جسده. Et donc, à ce moment-là, on remet son âme dans son corps. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله. فيقولان له ما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا من الجنة فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. نعم. Donc ensuite il est ramené, donc son âme est ramenée dans son corps, et il y a deux anges qui viennent le voir et qui lui posent la question: quelle est ta religion? Et il dit: ma religion est l'islam. Et il lui demande: et qui est cet homme qui a été envoyé parmi vous? Et ils disent, c'est le messager d'Allah. Et il demande: et quelle est ton action? Il a dit: et j'ai lu le livre d'Allah, et j'ai cru en ce qui était écrit dedans. Et j'ai reconnu que c'était la vérité. Alors il y aura une voix qui va appeler dans les cieux et qui dira: mon serviteur a dit vrai. Mettez-lui du tapis du paradis et faites-le porter des vêtements du paradis et ouvrez-lui une porte vers le paradis. Et il dit: fayatihi min rouhiha wa tibiha. Et il va sentir de cette porte de l'odeur et du parfum et du vin du paradis. Fayufsahu lahu fi qabri mudda basari. Et on va lui élargir sa tombe jusqu'à la distance de son regard. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك وهو يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ثلاثا حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Et donc c'est ça, il va sentir de l'odeur du paradis et on va lui dire à ce moment-là, et quand on va lui élargir sa tombe, il y a un homme qui va lui apparaître avec un beau visage et une belle odeur. Et il va dire, cet homme va lui dire: réjouis-toi, réjouis-toi de quelque chose qui va te rendre heureux. Il dit: ce jour-là, c'est le jour qu'on t'avait promis. Alors, la personne va dire: et qui es-tu? Alors, il va dire, qui es-tu? Parce que ton visage est le visage de quelqu'un qui vient avec du bien. Alors, il va lui répondre en disant: je suis tes bonnes actions. Je suis ta bonne action. Je suis la bonne action que tu as faite. Alors, cette personne va dire: ô Seigneur, fais venir l'heure du jugement. Fais venir l'heure du jugement. Il va le répéter trois fois. Il dit: pour que je puisse revenir à ma famille et à mes biens. Pour que je puisse retourner à ma famille et à mes biens. Et donc, ensuite, il y a la même version de ce hadith par rapport à la personne qui est le contraire de celui qu'on a mentionné, celui qui est un serviteur mécréant. Il dit: وَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرِ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سود الوجوه معهم المسوح فيجلسان منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتتفرق في أعضائه كلها فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتتقطع معها العروق والعصب فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها من يده فيجعلوها في تلك المسوح. أي نعم. Donc ça c'est l'exemple pour le kafir, le serviteur kafir, quand il finit sa vie et qu'il arrive vers l'au-delà, les anges du ciel descendent vers lui avec des visages noirs. Et ils ont avec eux, yani al-masouh, al-masouh, je ne sais pas ce que c'est. Et il s'assoit d'une distance du regard de lui, jusqu'à ce que vienne l'ange de la mort et qu'il se mette sur sa tête, s'assoit sur sa tête, et il lui dit : ô toi, la mauvaise âme, sors vers la colère et un courroux de la part d'Allah. Alors, à ce moment-là, son âme, elle se divise partout dans les différents membres de son corps. C'est-à-dire qu'elle, le contraire de celui qui était mu'min, son âme, elle se laissait couler toute seule, hein, pour sortir. Tandis que le kafir, au lieu de sortir facilement, au contraire, elle s'enfuit vers les différents membres pour essayer de s'éloigner, yani, de ne pas se faire sortir. Et il la fait sortir comme une broche qui est prise dans de la laine mouillée. Hein, c'est ça l'image qui est mentionnée ici. Comme une broche, hein, des broches qui sont prises dans de la laine quand elle est mouillée et que tu tires pour faire enlever cette broche, eh bien, c'est difficile. Et donc, c'est de cette façon-là que l'ange de la mort retire l'âme de ce corps. Et il coupe avec elle les veines et les nerfs et tout, en tirant. Et donc, il la prend. Et juste au moment où il la prend, on lui laisse même pas dans la main le clignement d'un œil, et les anges au visage noir viennent pour lui enlever tout de suite. Et il la place dans cette chose qu'ils appellent al-masouh. Et il sort de cette chose une odeur puante, qui est une odeur parmi les plus puantes qu'on peut trouver sur terre. فيخرج منها كأنتني ريح جيفة comme si le corps d'un corps qui l'odeur d'un corps quand il pourrit, hein, c'est même plus puant que ça encore. كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيسعدون بها, donc ils montent avec cette âme, فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح. Chaque fois qu'il passe près d'un groupe d'anges, les anges demandent : qui est cette mauvaise âme ? Fayaqulun Fulan ibn Fulan bi aqbah asma'ihi allati kana yusamma biha fi ad-dunya. Yani il le nomme par les plus laids noms par lesquels il était nommé dans cette vie d'ici-bas. Hatta yantahu ila as-sama'i ad-dunya, jusqu'à ce qu'il arrête au ciel de la dunya. فيفتحون لها فلا يفتح لها, يعني يستفتحون لها فلا يفتح لها, ils demandent la permission d'ouvrir les portes et la porte n'est pas ouverte. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il récite à ce moment-là le verset 40 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, yani que les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. C'est-à-dire qu'ils ne vont jamais rentrer au paradis. Il dit ويقول عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى فتطرح روحه طرحا. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit écrivez le livre de mon Seigneur dans سجين, dans l'enfer, dans le plus bas de la terre. Et donc, on y jette son âme. Hein? On la jette. De mon serviteur, oui. Écrivez le livre de mon serviteur dans ses djinn. Dans, il est dans l'enfer. ثم قرأ. Et puis il a lu ensuite. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نعم. Donc ça c'est le verset 31 dans sourate Al-Hajj. Le verset 31 dans sourate Al-Hajj qui signifie: donc il cite ce verset-là en disant, c'est ça, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ, et quiconque fait le shirk avec Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ ما ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيدخل عليه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. قال ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك السيء. فيقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. Et donc ensuite on ramène son âme dans son corps et les deux anges viennent et s'assoient près de lui et lui disent qui est ton Seigneur. Et ils disent ha je sais pas. Ils lui disent et quelle est ta religion. Il dit je sais pas. Ha je sais pas. Et yani, ils lui demandent, et qui est cet homme qui avait été envoyé parmi vous? Et ils disent, il dit, ha, je sais pas. Et ha, c'est pour dire yani, la confusion dans laquelle il est, hein, la confusion et le doute, et la peur aussi dans laquelle il est. Il dit, je sais pas. Alors il va entendre yani, une voix qui appelle dans les cieux et qui dit mon serviteur a menti, alors donnez-lui comme tapis du feu et faites-lui porter du feu comme vêtement et ouvrez-lui une porte vers l'enfer et il va y avoir de la chaleur et de la fumée de l'enfer qui va rentrer de cette porte et on va lui rendre sa tombe étroite jusqu'à ce que ces côtes hein, s'entremêlent, yani sa cage thoracique, yani ses côtes s'écrasent les unes dans les autres. Et il va y avoir un homme qui va venir le voir avec un visage laid et des vêtements qui sont laids et également une odeur qui sent mauvais. Et il va dire Yani, je t'annonce quelque chose qui va être mauvais pour toi. C'est le jour qui t'a été promis. Et l'homme va poser la question, va dire, qui es-tu? Parce que ton visage est le visage de quelqu'un qui vient avec du mal. Et il va dire, je suis ta mauvaise action. Alors, il va dire, ô Seigneur, n'établis pas l'heure du jugement dernier. Ô Seigneur, n'établis pas le jugement dernier. ومنهم الموكل بالسحاب فقد جاء اليهود فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة منها قولهم أخبرنا ما هذا الرعد قال ملك من الملائكة ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يسجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع قال صوته قالوا صدقت. Il y a également des anges qui sont chargés des nuages. Et il y a un homme qui est un homme parmi les juifs qui était venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Il lui a posé un nombre de questions. Et parmi les questions, parce qu'il voulait tester le messager d'Allah, subhanallah. Ils lui ont posé un nombre de questions pour dire si tu réponds à ces questions-là, on va croire en toi que tu es un vrai prophète. Et il a répondu à toutes les questions. Sauf que, en tout cas, la question, comme par exemple, celle-là, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que c'est le tonnerre qu'on entend? C'est quoi ce tonnerre? Alors, le prophète Sassim a répondu, il a dit, c'est un ange parmi les anges d'Allah qui chargeait des nuages. Et dans sa main, il a un bâton de feu, ou quelque chose de feu, par lequel il frappe les nuages et il les conduit là où Allah lui a ordonné de les conduire. Et ils ont demandé, c'est quoi le son ou le son qu'on entend du tonnerre? Et il a répondu, il a dit, c'est sa voix. Il a dit, c'est la voix de cet ange. Donc, le juif a dit, sadaqt, tu as dit vrai. Donc, ça répond aussi en même temps aux musulmans qui ont été affectés par la maladie du rationalisme des kuffars comme les Mu'tazila et qui veulent essayer d'interpréter tout ce qui est dans l'univers uniquement par des causes matérialistes et physiques et qui ne croient pas au raïb. Donc ils veulent tout interpréter par des causes matérielles alors qu'ils ignorent qu'est-ce qui est derrière réellement. Donc il y a quelqu'un comme ça, à chaque fois il venait pour poser des questions tout le temps sur la religion, mais il ne posait jamais des questions pour apprendre, juste pour débattre. Et donc à chaque fois il posait des questions comme ça. Il disait, oui mais la science elle dit telle chose, la science elle dit telle chose. Et il essayait d'interpréter, il disait qu'il faut interpréter le Coran selon la science et selon les preuves scientifiques ou des trucs de ce genre. Alors on lui expliquait, non, le Coran il ne s'interprète pas par la science ou par les théories scientifiques, mais il s'interprète selon le Coran, selon la Sunna, selon les paroles des Sahaba. Et si tu retournes au livre de tafsir, tu vas comprendre les versets. C'est de ce genre de personnes, yani, qui ont été affectées par ces idées-là des matérialistes. Puis il y en a des gens comme ça même, maintenant, qui se prétendent spécialistes comme des signes, comme ils appellent al-i'jaz al-ilmi, le miracle scientifique du Coran, ou des choses comme ça. Donc ils interprètent le Coran de cette façon. Et il donnait des explications bizarres, comme ça en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'il dirait s'il entendait ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que le tonnerre, ça vient de la voix des anges qui poussent les nuages dans le ciel. Donc probablement qu'eux, ils seraient en train de démentir ces hadiths-là en disant non, scientifiquement, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comme s'ils savaient mieux. Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa. Donc le sheikh il dit wa an Abi Huraira, et ça c'est le dernier hadith que le sheikh il mentionne dans ce point là, Il dit, وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في صحابة اسقي حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك فقال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لا تسألني عن اسمي أو قال لما تسألني عن اسمي فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بمثله وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. نعم. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans Az-Zuhd wa Raqa'iq. En fait, c'est un hadith qui montre que il faut croire en Al-Ghayb, encore une fois. C'est un hadith qui est rapporté selon Abu Huraira. Et il dit qu'il y avait un homme qui était dans un terrain, hein, une terre, puis il a entendu une voix dans un nuage. Et la voix dans le nuage disait, va abreuver le jardin d'un tel, ou va arroser le jardin d'un tel. Hein? Donc le nuage est parti et il a vidé son eau à l'endroit où on lui avait demandé de vider l'eau en question. Non. Donc, il a vidé son eau à cet endroit-là. Et donc, l'homme en question, il a suivi. Il a suivi l'eau jusqu'au jardin de la personne. Alors, il lui a dit, il a rencontré l'homme qui était propriétaire du jardin en question. Il lui a dit, ô toi, serviteur d'Allah, quel est ton nom? Alors il lui a dit, donc il a dit le nom qu'il avait entendu, la personne a répondu son nom, et c'était le nom de la personne du nom qu'il a entendu mentionné dans le nuage. Alors il lui a dit, ô Abdullah, pourquoi m'as-tu demandé mon nom? Il a dit, parce que j'ai entendu une voix dans le nuage qui disait, il y en a d'aller arroser yani le jardin d'un tel, et c'était ton nom. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu fais de particulier pour que le nuage vienne comme ça, parce que c'est l'ange, hein, dans le nuage qui ordonne au nuage d'aller arroser tel ou tel endroit. Alors il dit, qu'est-ce que tu fais de spécial pour que le nuage en question vienne abreuver ta terre? Alors il dit, moi je regarde de qu'est-ce qui sort de ma terre et je donne le tiers en sadaqa. J'en mange pour moi et ma famille, mes enfants, un tiers, et je remets un tiers dedans. J'en remets un tiers dans pour en faire d'autres. Naam. Donc c'est pour dire comment il faisait avec qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne et comment il donnait en sadaqa. Donc tout ça c'est pour montrer premièrement la foi en Al-Ghayb et en même temps la foi en les anges et la foi en les différentes tâches que chaque ange peut avoir d'après ce qui est mentionné, selon ce qui est mentionné dans les textes du Coran et des hadiths authentiques à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui, puis au prochain cours, Inch'Allah, on continuera la suite. C'est le prochain point, c'est le point numéro 16, qui est au sujet de la résurrection après la mort. نعم دونك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.